OK, nous allons, si vous voulez bien, commencer par un mot de prière. Et j'ai envie de demander à Daniel s'il veut prier. Oui. Seigneur, notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous voulons ce matin nous réjouir parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu de paix et un Dieu souverain. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. À cause de ton nom, à cause de qui tu es. Et nous sommes heureux ce matin de plonger dans ta parole, sonder les Écritures et voir ce que notre ami Paul, quel genre de prière qu'il faisait, quel genre de... C'était quoi son but, Seigneur, pour te voyons, en allant au-devant de toi, Seigneur. On est heureux de ça, Seigneur. On est content d'être tes serviteurs. Ouais. Parle-nous, Seigneur. Amen. Amen. Amen. Merci, Daniel. Donc, comme Patrick a dit, on va regarder un texte dans 2 Corinthiens 13. Il y a un autre texte, ce que Paul dit, ce que je prie pour vous. Là, il dit qu'est-ce qu'il prie. Donc, jusqu'à date, c'est ce qu'on a regardé un petit peu. On va résumer un petit peu, juste quelques minutes, ce qu'on a vu jusqu'à date. Je ne sais pas si votre vie de prière a changé depuis qu'on a commencé, depuis le mois de mai, je pense, la première fois que je suis venu, le mai-juin, avril-mai-juin. Je suis venu 3 fois avant, en tout cas avant l'été, et on a regardé 3 enseignements. Donc, on a vu la première fois que Paul priait, « Je prie avec que votre amour augmente ». En connaissance, en intelligence, il dit « Je prie pour que votre amour augmente ». Donc ça, c'était une des requêtes que Paul faisait régulièrement pour les croyants. Et on avait vu ensemble qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, on a compris, je pense, que plus j'ai de la connaissance et de l'intelligence spirituelle, là, on ne parle pas de notre intelligence, notre IQ, là, notre intelligence spirituelle, plus notre amour va être grand. Je parlais cette dernièrement avec un groupe sur c'est quoi l'amour et quelle différence qu'il y a entre quand je me suis marié puis je disais à ma femme « je t'aime » il y a 30 ans, 40 ans en arrière et quand je suis devenu chrétien puis que je dis à ma femme aujourd'hui « je t'aime », quelle différence qu'il y a entre les deux? Y a-t-il une différence? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Et tout le monde avait la bouche « Ah! » Parce que tu es capable de venir donner vraiment une réponse valable pour dire « On ne s'est jamais arrêté pour penser c'était quoi la différence vraiment. » Mais il devrait avoir une différence entre les deux. Normalement, il devrait avoir une différence entre les deux. Donc, l'apôtre Paul nous encourage à prier pour que notre connaissance et notre intelligence augmentent. La deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'il dit « Je prie que votre cœur soit affermi par la connaissance. » Encore une fois, on est revenu à la connaissance. Il semble que pour Paul, c'était le point central, c'est la base de toute la vie chrétienne, la connaissance. Si je n'ai pas la connaissance, il n'y a pas juste ma vie de prière qui va être un peu perturbée, ça va être toute ma vie chrétienne qui va être perturbée. Tout dépend de la connaissance que j'ai de Dieu et de moi. Oups, j'ai donné un coup sur le micro. Et j'écoutais dernièrement, c'est de M. Sproul, qui disait la même affaire. Tout dépend de la connaissance que j'ai de Dieu et de qui je suis moi en tant que personne. Moi en tant que non-chrétien et moi en tant que chrétien. Tout se joue là-dessus. Et la plupart du temps, le chrétien, ce qu'on fait, on se met à l'œuvre dans la vie chrétienne pour Dieu sans avoir la connaissance et l'intelligence qu'on devrait avoir pour commencer. C'est pour ça qu'en vie ici, on dit bon, avoir su, j'aurais pas fait ça. Avoir su, j'aurais pas dit ça. Avoir su, j'aurais pas fait ces choses-là. Avoir su, j'aurais fait ça différemment. Un peu comme moi, j'ai fini d'éduquer mes enfants, puis quand j'ai fini, je dis ah, si je sais recommencer, je ferais pas tout à fait la même chose. Mais j'avais fini. Et dans la vie chrétienne, un petit peu pareil, on avance, puis en avançant, on s'aperçoit que, oui, il y a des choses qui devraient changer ou qui ne devraient pas être pareilles. Et ensuite, on a vu la troisième prière dans Éphésiens, Paul, il prie encore. Je prie, encore une fois, pour la connaissance. Et je prie que vous connaissiez ou que vous compreniez bien ce que Dieu a organisé, a planifié pour vous avant la fondation du monde. C'est quoi son plan pour vous, l'Église? Je prie pour que votre connaissance augmente dans ce que Dieu est en train de faire. Parce que comment est-ce que je peux m'impliquer dans l'œuvre de Dieu si je ne comprends pas bien c'est quoi l'œuvre de Dieu? Dans notre tête, si on ne fait pas attention, l'œuvre de Dieu, c'est notre ancienne religion. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'ancienne religion, l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ce que les religions font dans leur ensemble. Si vous étudiez les religions aujourd'hui, ils ont tous des points communs. Mais ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est autre chose. Nous, on pense que l'œuvre de Dieu, c'est un paquet de choses à faire et ne pas faire, quand l'œuvre de Dieu, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Donc, il dit, puis après ça, il dit, je prie que votre connaissance, que vous connaissiez mieux l'héritage ou l'espérance qui vous est échue à vous autres. Qu'est-ce qui va s'en venir devant vous? C'est quoi l'espérance du croyant? C'est quoi l'héritage du croyant? Et ça, il dit, vous devez savoir c'est quoi. Fait que je prie pour que vous connaissiez mieux votre héritage. Et, encore une fois, les chrétiens, bien des fois, ils ne s'arrêtent pas. On est trop occupés à faire des choses sans s'arrêter, savoir, mais vers où est-ce qu'on s'en va, là? Mais où est-ce qu'on s'en va? Tout à l'heure, je parlais avec Marcel, que j'ai rentré. Vous avez mis vos fenêtres, ils sortent du mur, quelqu'un pourrait dire, ben pourquoi vous les laissez dépasser du mur? Parce que on sait ce qu'on va faire là, dans un an, dans deux ans. On va mettre un clapard, on va faire ci. Donc, automatiquement, il faut que j'aille mis mes vitres, mes fenêtres en dehors. Mais parce que tu sais où ce que tu t'en vas quand tu fais ça. Si tu n'aurais pas arrêté, tu aurais mis tes chaussures flush au mur, tu aurais été bien plus beau. C'est le coup. Mais tu aurais arrivé dans un an, oh, on n'aurait pas dû faire ça de même. La vie chrétienne, c'est un peu pareil. Si je ne sais pas ce que je m'en vais, il n'y a pas qu'à la fin que je fais aujourd'hui que je dis on n'aurait pas dû faire ça de même, on n'aurait pas dû faire ça de même. Parce que Dieu ne s'en va pas dans cette direction-là. Dieu s'en va dans une autre direction, lui. Avec nous. Oui. C'est une discussion fait qu'on a le droit de. Oui, oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Puis aussi, en plus, ce que je trouve, moi, personnellement, plus que je connais le Seigneur, puis qu'est-ce qu'il est en train de faire, plus ça me rassure aussi. Ben oui, ben oui. Ah, ben il y a une paix qui est là. Ah, OK. C'est ça qui se passe, là. Oui, oui, oui. Ça fait que ça donne. Des fois, le fait de savoir comment ma TV fonctionne, ça ne change pas le film que je regarde. C'est le même film que je vais voir après. Puis il ne sera pas plus beau, puis il ne sera pas moins beau. Mais je comprends comment ça fonctionne. Ça rassure. Et j'ai une certaine paix que si ça arrive, ça devient tout noir, je ne sais pas faire. Je vais peser sur tel bouton, l'image va apparaître, parce que ça va partir. C'est que la vie chrétienne, c'est pareil. Quand je comprends ce que Dieu est en train de faire, je suis moins énervé quand quelque chose arrive. Je suis moins stressé de voir les choses arriver. L'autre jour, j'étais dans un groupe de chrétiens, puis on jasait, puis on disait... Le fait de savoir que c'est comme ça, les chrétiens, je suis moins déçu des chrétiens, je suis moins déçu de moi-même, je ne m'attends pas à certaines choses des chrétiens, parce que c'est pas ça que Dieu a planifié qu'arrive. Fait que là, je veux dire, oui, c'est normal, on dit ça, c'est normal, ça arrive de même. Si tu t'attends que moi, je vais devenir parfait, tu vas être bien déçu, parce que je ne deviendrai jamais. Tu vas avoir une attente irréaliste de ma part, tu vas être frustré de me voir imparfait. Donc, si je sais ce que Dieu est en train de faire, ça va m'aider. Et la dernière chose qu'on a vue dans cette même prière-là, Paul dit, je prie que vous compreniez quelle est la puissance qui est disponible, qui est là pour que ce que Dieu a planifié arrive. Ce que Paul voulait que les chrétiens comprennent, c'est que le plan de Dieu, il y a une puissance qui est à l'œuvre pour que ça s'accomplisse. Ce n'est pas une puissance disponible pour nous pour qu'on puisse faire de quoi, mais il dit, je voudrais que vous compreniez qu'il y a une puissance qui est à l'œuvre, qui est en train de faire que le plan de Dieu va s'accomplir. Puis il dit, cette puissance-là a été manifestée, a été démontrée par le fait qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il dit, la même puissance que j'ai ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette même puissance-là est à l'œuvre pour ce que Dieu a planifié avant la fondation du monde, s'accomplisse. Donc, ça ne dépend pas de moi que ça s'accomplisse, ça dépend d'une autre puissance qui œuvre en moi et par moi pour que ça s'accomplisse. Dieu n'a jamais laissé dans les mains des croyants son plan, mais il utilise les croyants dans son plan. C'est bien différent. Même si demain matin, je me pète une jambe ou je tombe infirme, ça ne va pas changer. Jésus a dit ça d'une façon assez spéciale aux pharisiens un jour. Veux-tu qu'ils s'en souviennent? Quel exemple qu'il a donné? Quand ils ont dit « T'entends-tu ce qu'il chante? T'entends-tu quand il entend dans le temple? Entends-tu ce qu'il chante? » S'il se taise, c'est les pierres. Voilà. Il dit « S'il se taise, Dieu va le faire dire aux pierres. Mm-hmm. » Ça ne changera pas son plan. Ça ne change pas son plan. Dieu, son plan, il est fait, il est programmé, il va s'accomplir. Quand il va mettre une fin à ce monde, tout va avoir été accompli parfaitement comme il voulait. Tout va avoir été fait. L'Église va être parfaite. Tous les élus vont avoir été sauvés. Tout va être terminé. Il va présenter l'Église à Dieu parfaite. Il va dire, « Bah, j'aurais bien voulu, mais Marcel n'a pas fait ce qu'elle a dû faire. Patrick n'a pas assez travaillé. Daniel aurait dû évangéliser, il ne l'a pas fait, donc j'ai manqué mon coup. » Ben non, ça n'arrivera pas demain. Ça n'arrivera pas demain. Si c'est comme ça, on serait complètement pas canard. J'ai vu une jeune fille me demander ça un jour. Est-ce que je vais devoir rendre compte? Mon voisin est mort, puis je n'ai pas parlé du Seigneur. Fait que je ne sais pas, peut-être que Dieu voulait être sauvé, mais je n'ai pas parlé. J'ai dit, si c'est ça, la vie chrétienne doit être bien dure pour toi. Très lourde. Parce que tu ne peux pas parler à tout le monde que tu rencontres dans ta vie. Tu ne peux pas, je n'irai jamais me coucher, je rencontre toujours du monde sur la rue, je voudrais toutes les arrêter et toutes leur parler. C'est bien une belle pensée, mais ce n'est pas ça que Dieu a planifié pour nos vies. Il a planifié aussi qu'on dormait 8 heures, ou à peu près. Il a planifié qu'on mangeait. Il a planifié qu'on travaillait. Il a planifié qu'on bâtissait nos maisons. C'est dans son programme, ça aussi. Il a planifié comme quel différent, aussi. Ben oui. Ça veut dire que l'autre, il tire beaucoup de temps. Ben non. Puis ton père a mal au ventre des fois. Oui, nous qui avons mal au ventre, nous qui avons mal à la tête, nous qui avons mal aux pieds. C'est pas... Chacun a ses petits problèmes. Je ne suis pas en train de vouloir excuser toutes nos erreurs, tous nos péchés, non. Mais le fait de savoir que mes péchés ne sont pas un obstacle à ce que son plan s'accomplisse, comment je vais bien dire ça? C'est merveilleux, moi, ça. Dieu n'encourage pas le péché, Dieu n'aime pas le péché, Dieu ne veut pas qu'on pêche. Et c'est pas le fait de savoir que lui va faire ce qu'il a à faire pareil que ce qui me pousse à ne pas pécher ou à pécher. Ce qui me pousse à ne pas pécher ou à ne vouloir ne pas pécher, c'est ce que je suis. Je suis un poisson, je veux de l'eau. Je suis un chrétien, je veux la sainteté. Ça fait partie de ma vie maintenant. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Je suis comme ça. C'est pas à cause que des lois que je veux ça. C'est pas à cause que des règlements dans l'Église que je veux ça. Non, c'est que il m'a créé comme ça maintenant, dans ma nouvelle nature. Je veux ça. Non, c'est ça, je veux ça. Fait que c'est pas à cause que des lois, ou de fait de dire, ben François, peut-être que quelqu'un ne sera pas sauvé si tu n'évangélises pas. C'est pas à cause que tu me dis ça que je vais évangéliser plus. Si je évangélise plus, ça va probablement être par la chair, par orgueil, par sentiment de culpabilité. C'est ça qui va arriver. Mais je veux partager ma foi, ou je veux glorifier mon Dieu, parce que j'ai été créé comme ça. Jésus a dit ça aux disciples un jour. Il dit, l'Esprit Saint qui va venir habiter en lui, en vous, veut me glorifier. Donc c'est lui qui va nous pousser à vouloir glorifier notre Dieu devant les inconvertis. C'est pas à cause qu'il y a un règlement où tu me fais peur, où tu me fais sentir coupable que je vais le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui va me pousser à vouloir faire ça. Et ma nouvelle naissance aussi, en même temps, qui travaille les deux ensemble. Donc, c'est pas parce que la Bible nous dit que la loi n'a pas réussi à faire ça. Pourtant, la loi était bien présente dans la vie des Juifs, mais elle n'a pas réussi à le faire. C'est pour ça que Dieu dit maintenant, ce que je vais faire dans la Nouvelle Alliance, je vais écrire mes lois dans votre cœur. Et vous allez faire ce que je veux. Fait que c'est dans ce sens-là. Donc, on a vu ça jusqu'à date. Donc, je prie que votre amour augmente en connaissance. Je prie que votre cœur s'affermisse avec la connaissance. Je veux que vous connaissiez ce que Dieu il est toujours en train de parler de connaissance dans ses prières, quelque part. Je vous dis pas là, que Paul n'a pas prié. Jamais prié autre chose. Mais les autres choses, je ne les ai pas. Ce que j'ai, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Donc, si je veux savoir ce que Paul priait, la seule source d'information que j'ai, c'est les Écritures. Je peux bien dire, moi, je pense que prier pour d'autres choses, tu penses. Mais tu n'as pas grande autorité là, avec « tu penses ». Mais je peux dire, au moins je peux te dire que Paul priait pour ça, c'est marqué là. Et c'est inspiré, c'est vrai. Donc, moi, je peux dire, bon, mais je peux là, au moins aller dans cette direction-là. Okay? Je peux au moins. Quand je prie dans cette direction-là, je sais que je suis dans la bonne direction. Okay? Et ce matin, on va aller plus loin dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, excusez, chapitre 13. Mais pour essayer de comprendre, cette semaine, j'avais que je partagerais avec vous autres 2 Corinthiens 13. Donc, j'ai écouté 2 Corinthiens au complet plusieurs fois. Je l'ai écouté deux fois en montant dans l'auto, après, à m'en venant hier, pour avoir l'image de l'ensemble de l'épître aux Corinthiens. Parce que sans ça, on va manquer de bâton encore une fois. Je vous encourage, avant de vouloir interpréter un détail dans une peinture, à essayer de voir toute la peinture. Si je prends un grand tableau de 2 pieds par 2 pieds, puis que je vous essaie de vous expliquer un petit détail, garde le petit détail là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tu ne vois pas, toi, le grand tableau. Je peux te dire à peu près n'importe quoi ce que je veux sur le petit détail. Mais si je prends le petit détail et je le mets dans le tableau, tu vas être assez intelligent pour savoir que ce n'est pas un œil de cochon, c'est une fleur, cette affaire-là. Mais moi, je ne sais plus te dire que c'est un œil de cochon, ça semblait un œil de cochon. Mais ce n'était pas ça, c'était une fleur qui ressemble, blanc, noir au centre, les couleurs que ça avait. Si tu regardes juste le bouton, ça ressemblait à un œil de cochon. Mais ce n'était pas un œil de cochon, c'était une fleur dans une prairie, dans une vallée, au milieu des montagnes rocheuses. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce cochon-là? Tu seras assez intelligent pour dire, mais tu ne penses pas qu'il ne devrait pas avoir un cochon-là, tu sais? Mais parce que tu as vu la grande photo. Et quand vous lisez un livre de la Bible, c'est ça que vous devez faire en général. Qu'est-ce que la photo représente, la peinture représente dans son ensemble? Et là, prendre le détail, puis dire, le regarder dans l'ensemble, dire, ouais, je pense que c'est ça que ça parle. C'est ça que ça dit. Méfiez-vous, quand on commence à prendre un paquet de versets, à mettre ça ensemble, ça veut dire ça, c'est plus dangereux. Je dis pas qu'on a le droit de faire ça, on ne dit pas que c'est toujours mal, je dis pas qu'on ne peut pas dire la vérité en faisant ça, oui, on peut le faire. Mais c'est toujours plus risqué, parce que puis vous autres qui écoutez, le gars qui vous enseigne, qui vous donne un paquet de versets, mais vous êtes un peu plus obligé de croire ce qu'il vous dit, parce que vous n'avez pas la capacité d'aller voir tous les contextes de tous les versets qui ont été dits. Moi, j'ai déjà écouté des enseignants qui amenaient des versets de tous les livres de la Bible dans le même sermon. Il y en avait des 25, 30 versets. Tu dis, mais je ne suis pas capable d'aller voir tous les contextes de tous ces versets-là, de quoi l'auteur parlait. Fait que j'espère que le gars l'a fait, lui, quand il a préparé son sermon. Mais je suis obligé de me fier à lui. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis tu vois, ils vont passer de l'Ancien Testament d'un psaume, d'un proverbe, d'un évangile, d'un épître, dans l'Apocalypse. Puis c'est tous des styles littéraires différents. Tout tu dis, pas évident. Pas évident. Il faut faire attention. OK? Donc, si je vous demande, est-ce que vous autres avez lu 2 Corinthiens pour regarder tout le gros tableau, vous allez me dire, peut-être non. Peut-être vous allez dire oui. Je dis oui, je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes dépendant, parce qu'un matin, je vais vous parler de l'œil de cochon. Vous allez dire, ah oui, François, c'est un œil de cochon, mais vous n'avez pas vu le restant. Mais je l'ai fait, et c'était intéressant de le faire, parce que je me suis dit, ah, ça m'a aligné un petit peu différemment du texte que je pensais. Une petite affaire. Ça n'aurait pas été dans l'hérésie, si je vous avais dit, mais ça m'a aidé à me réaligner un petit peu plus avec le contexte. Mais avant, il faut que je me rappelle dans ma tête 1 Corinthiens, parce que ça, c'est la deuxième lettre. Puis c'est écrit, la deuxième lettre fait lien à la première lettre. Donc, tout ça, c'est lié ensemble. Tu dis, mais si je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, je vais peut-être avoir de la misère à comprendre le texte, là. Je vais vous donner un exemple. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 9. On va juste lire le verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Si je prends juste ça, puis je dis, attends, on va parler de ça. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Je prie pour votre perfectionnement. Arrêtez de pécher. OK. Toi, tu dis, péché moins ou arrêtez de pécher. D'autres idées ou c'est la même idée? Ben, j'en ai causé un peu avec Lorraine tantôt. Ce qui nous est venu, c'est genre la sainteté. Ouais, okay? Voilà, voilà. Moins de péché, sainteté. Plus loin, c'est pas nécessairement ça, mais c'est ça qui m'est venu. C'est ça que je pourrais prendre ça, comme j'ai déjà entendu, comme cette semaine, j'ai écouté un enseignement sur ça, puis c'est en plein ça qui partait. Il a pris le verset, puis il est parti avec ça. Là, il voulait amener les croyants à avoir une vie de sainteté ou à avoir une vie de moins de péché dans leur vie. C'est pas faux, c'est pas mal. Je dis, ben, ouais, oui, c'est vrai que je veux avoir une sainteté plus grande, c'est vrai. Mais, est-ce que c'est ça que le texte parle? Une autre affaire, là. Parce que dans notre texte, c'est ça qu'on pense. Et là, si vous n'avez pas été voir d'autres traductions, peut-être que c'est peut-être pas le meilleur mot en français que les autres traductions ont mis. Avez-vous toutes des secondes, ça, toute la gang? OK, bon. Je vais vous en donner une. Moi j'en ai 12, 13, 14, 16 sur mon ordinateur. Je vais vous en donner quelques-uns. Dans la Bible, si je prends la Bible sommaire, votre complet rétablissement. Ah, tout d'un coup, ça n'a pas rapport avec perfectionnement, ça, cette affaire-là. Comment ça que la sommaire ne traduit pas comme perfectionnement? Tout de suite, ça te met la puce à l'oreille. Oh! Je peux... Oui, vas-y. C'est Martin. Oui. Voyons. C'est à. Ben, juste à la première oui. partie. C'est à savoir votre entier accomplissement. Accomplissement? Oui. OK. Un entier accomplissement. L'autre dit complet rétablissement. Tu dis, ah, ouais. Moi, on va vous en donner un autre. En Bible, en français courant, elle a dit. Que vous deveniez parfait. Là, tu dis, est-ce que la perfection est possible? C'est le chrétien. Si tu pries pour mon perfectionnement, si tu es en train de vouloir me dire que je peux devenir parfait, si tu pries pour ça, tu vas penser que c'est ça. En tout cas, d'autres Bibles, comme la Bible épée, ça s'appelle le même, c'est le mot perfectionnement qui est là encore, la Jérusalem, les Bibles catholiques ont traduit un petit peu différent. Votre affermissement, un petit peu différent, mais la Bible Tob a traduit comment? Votre perfectionnement aussi. Darby, votre perfectionnement. Osterwald, j'en ai mis des vieilles, perfectionnement aussi. Donc, il y a le mot affermissement, le mot accomplissement, le mot parfait. Tu dis, qu'est-ce qu'il veut dire l'auteur? Donc, je suis obligé d'aller voir un peu plus large le contexte, parce qu'un peu plus bas, dans votre Bible, il dit... verset 11... Travaillez à votre perfectionnement. Au verset 11. Il dit, je prie pour votre perfectionnement. Puis il dit, travaillez à votre perfectionnement aussi. Fait que, là, tu dis, il prie pour que je sois perfectionné, mais en même temps, il veut que j'y travaille. Mais lui, l'auteur n'a plus le même mot, là. Mais si je prends la Bible sommaire, admettons, lui, il dit perfectionnement, la même chose. Mais tout à l'heure, il avait dit accomplissement. Donc, tu dis, pourquoi il change de mot? Pourquoi il change de mot? Et là, c'est là que nous, il faut faire un petit peu de travail pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Pour bien comprendre, on va lire au complet 2 Corinthiens, chapitre 13. On va lire au moins ça. Pas au complet 2 Corinthiens. On s'en allait jusqu'à... On aurait eu pour une petite secousse. On n'aurait pas fait autre chose que ça. Mais 2 Corinthiens, verset 13, verset 1. Et on va lire, on va passer à Thérèse, on va en aller chacun deux versets en tournant. Je pense que le micro est capable de capter ça au complet. Chapitre 13. Oui. Fait que lisez assez fort pour qu'on vous comprenne. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai redit et aujourd'hui que je suis absent. Je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. OK, donc, il dit, si on voit, j'ai dit, ceux qui ont péché précédemment, c'est comme s'il y en avait-tu qui n'auraient pas péché. De quoi il parle? De quel péché il parle? C'est important pour nous autres d'essayer de voir, parce qu'il dit... Ceux qui ont péché, moi je dirais, mais tout le monde a péché. C'est ça ma conclusion à moi. Mais lui, il s'adresse à certaines personnes qui ont fait un certain péché. Ça en sort, ça n'a plus de sens. Donc il dit, c'est à ceux-là, puis il dit, ceux-là, je vais leur parler, mais pas de ménagement. Alors il dit, je ne vais pas y aller de main morte, on dirait en québécois. Fait qu'il dit, de quoi il parle? À qui il s'adresse? À certaines personnes dans l'Église. C'est ça que ça me dit personnellement. Okay, parce que là, je lis plus large. Ça me dit que, hop, à qui il parle? De qui il parle dans l'Église? On continue? Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc, on voit qu'il y a des gens dans l'Église qui remettent en question l'apôtre Paul. Vous cherchez à savoir si ce que j'ai dit vient vraiment de Jésus-Christ. Vous cherchez vraiment à savoir si je parle de la part de Christ quand je dis ça. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Donc, il semble restreindre ce qu'il va dire dans les versets qui vont suivre à certaines personnes, pas à tout le monde. OK? On continue. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Donc, ça veut dire quoi réprouver? Désapprouver, réprouver, c'est que le mot dans l'original veut dire manquer le test. Vous avez manqué. Vous vous testez, vous avez fait l'examen, vous avez poché. Il dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Wow! Pourquoi il dit ça à ces gens-là? Qu'est-ce qui se passait? Il leur demande, regardons si t'es sauvé, toi. Regarde. Oh, à qui tu dis ça? Tu dis pas ça à tous les chrétiens, n'importe quand, n'importe où. En généralement, tu prends pour acquis que les chrétiens sont chrétiens. Mais qu'est-ce que ces gens-là qui remettaient en cause l'autorité de Paul? Paul dit, j'aimerais que vous vous examiniez vous-même. Prenez le temps de remarquer, ouais, si vous êtes dans la foi. Ouais. Parce qu'il dit, à moins que vous soyez, moi dans ma Bible, c'est marqué, à moins que vous soyez désapprouvé ou réprouvé, ou que vous avez échoué le test. Parce que le mot, ça veut dire, examine-toi, passe un test, regarde si c'est dans la foi. Et peut-être, tu vas t'apercevoir que t'as échoué. Tu n'es pas dans la foi. Donc là, encore une fois, oups, là, on dit, mais de quoi il parle? De quoi il parle avec ces gens-là? Et si moi, je dis, j'ai déjà dit ça, des chrétiens dans ma vie, mais moi, à ta place, je me poserais la question, ouais, si je suis sauvé. Avec le raisonnement que t'as là, avec l'attitude que t'as face à la vie, face au péché, face à Dieu dans ta vie, je pense que tu devrais peut-être t'arrêter de savoir si vraiment t'as compris l'Évangile. Parce que je pense que peut-être pas, la façon que tu parles. Donc, et au verset 7. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. OK, donc, continuez à regarder ce qu'il dit. Il dit, je veux, nous prions que vous ne fassiez rien de mal. Quelle sorte de prière que c'est ça? Je peux-tu prier ça le matin, Seigneur, je te prie que je ne fasse rien de mal aujourd'hui? Toutes les soirs, tu vas te dire, Seigneur, tu ne m'as pas exaucé, j'ai fait encore du mal aujourd'hui. C'est ça que tu vas dire? Tu n'arriveras pas. Tu peux... Si tu pries ça dans ce sens-là, de ne pas faire jamais de péché, j'ai un problème, là. J'ai un problème parce que je me dis, comment est-ce que je peux prier ça? J'y arriverai jamais. Je ne connais pas de chrétien qui arrive. Donc, ça, je serais vraiment découragé de prier ça tous les matins. Seigneur, je te prie de rien faire de mal aujourd'hui. Le soir, je t'oublie de confesser mes péchés, puis j'en ai fait encore. Tiens, mais tu ne m'as pas exaucé. Moi, je t'avais demandé de rien faire de mal, puis j'en ai encore fait. Donc, tu ne m'exauces jamais. C'est ça que je dirais finalement. Tu ne m'exauces jamais. Tu ne peux, peux pas être général demain. On se aussi bien de dire, Seigneur, fais que je sois parfait. C'est fini. Je n'ai plus besoin de prier, plus besoin de demander pardon pour rien. Je suis parfait maintenant. Rien de mal égale bien la perfection. Dans ma tête, là. Hein? Fait que ça rejoint un petit peu ce qu'on va voir tout à l'heure, peut-être. Si je prie, si Paul prie pour qu'il ne fasse rien de mal, puis qu'il prie pour leur affermissement ou qu'il prie pour leur perfectionnement, est-ce que ça se rejoint, ça? Est-ce que c'est dans le même contexte? Oui. Est-ce qu'il est en train de parler de la même chose? J'ai l'impression que peut-être que oui. Donc, il faut garder ça en mémoire. Il dit, nous prions que vous ne seriez rien de mal, puis nous prions que pour votre perfectionnement. Puis un peu plus bas, il dit, travailler avec votre perfectionnement, de quoi est-ce qu'il parle? Il faut tout garder ça dans notre petite tête pour essayer de comprendre quelle prière, finalement, Paul fait. Et comment est-ce qu'il va savoir s'il a été exaucé dans sa prière? On continue, on est rendu à Isabelle. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. OK. Daniel? Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, dans l'ensemble, en lisant tout le chapitre, on dit, il y a quelque chose qui se passe là, des spéciales. Puis si on lirait toute l'épître, à partir du chapitre 10, Paul commence à parler de ceux qui, lui, va appeler des faux apôtres, qui va appeler des gens qui partent dans une autre direction, qui ne suivent pas l'enseignement donné. Donc, il y a, dans l'épître aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, il y a un paquet de problèmes, vous le savez, l'Église de Corinthe a des problèmes, c'est la guerre, c'est la division, c'est les querelles, il y en a qui meurent, il y en a qui sont infirmes, il y en a qui sont malades parce qu'ils prennent le repos du Seigneur indignement, il y en a qui ne croient plus à la résurrection, il y a des problèmes avec les hommes et les femmes, le voile puis le voile, il y a un paquet de problèmes dans cette Église-là. Dans les premiers chapitres de la deuxième épître, Paul il dit, je suis heureux de voir que vous avez été attristés d'une tristesse qui vient de Dieu, que vous vous êtes repentis, que vous avez rétabli. En tout cas, là, il voit que la lettre a fait son but, elle a amené l'Église à s'arrêter, à s'interroger, à s'y réaligner dans leurs affaires. Mais il y en a un groupe qui n'a pas voulu suivre ça. Il y a un groupe qui a continué à dire, non, Paul, ce qu'il dit, c'est peut-être pas vrai. Qu'est-ce que c'est, ça, Paul? Pourquoi est-ce qu'on devrait croire Paul plus que les autres? Puis là, il remettait en question l'autorité de Paul. C'est là que Paul va adresser à ces gens-là, nous prions pour votre perfectionnement, nous prions pour votre rétablissement, nous prions que vous reveniez dans la bonne direction. Donc, de quoi il parle? Il ne parle pas d'être capable d'arrêter de sacrer ou d'arrêter de prendre de la boisson ou de ne pas se droguer. Il ne parle pas, je prie que vous ne faisiez plus de pornographie. Ou, c'est pas ça qu'il est en train de parler. Il dit, on aimerait ça que vous vous réaligniez avec nous autres. Regardez si vous êtes dans la foi. Regardez ce que vous dites. Regardez ce que vous prêchez. Regardez ce que vous enseignez, vous autres, cette gang-là. si vous êtes vraiment dans la bonne direction. Paul, j'ai l'impression qu'il revient dans la même direction que toutes les autres prières. Votre connaissance que vous avez des Écritures, est-tu correcte? Est-ce que vous comprenez bien l'Évangile pour dire de telles choses? Est-ce que, si vous remettez en question ce que je vous ai enseigné, est-ce que vous remettez en question aussi l'Évangile que je vous ai enseigné, que je vous ai proclamé? Parce que c'est lui qui avait amené l'Évangile à Corinthe. Si vous ne croyez pas ce bout-là, puis je ne suis pas correct, peut-être vous ne croyez pas non plus l'autre bout, examinez-vous donc, voir si vous êtes dans la foi. Voir si vous n'êtes pas désapprouvé ou réprouvé ou peu importe, vous avez fait un échec. L'apôtre Paul va dire autrement, il dit qu'ils avaient fait naufrage par rapport à la foi. Même affaire, même vérité. Donc, quand il parle du perfectionnement, ici, il ne parle pas d'une capacité de ne moins pécher ou de sainteté, mais il parle, est-ce que ma prière, c'est que vous compreniez bien ce qu'on est en train de vivre, ce que l'Évangile est, ce que Dieu veut, ce que je veux que vous aligniez avec nous, avec l'enseignement que nous, on a fait. Et quand il dit un peu plus bas, perfectionnez-vous, ça veut dire la même chose. Il n'est pas en train de dire, je crois que vous pouvez atteindre la perfection et que quand ça va faire 30 ans, 40 ans, vous êtes chrétien, vous allez être un peu plus parfait que quand vous l'étiez au début. Je ne pense pas que c'est ça. En tout cas, si c'est ça, ça n'a pas marché pour moi, parce que dans ma propre vie, je m'aperçois que je ne suis pas plus parfait que de 40 ans. Mais si je prends le mot « perfectionnement » comme « affermissement », comme « rétablissement », comme « j'espère que tu vas t'enligner avec ce qu'on a dit », que la perfection ici parle plus de ma compréhension, de ma capacité de voir ce que les apôtres ont enseigné pour m'enligner avec eux autres. Alors, je pourrais dire que oui, après 40 ans, je suis un peu plus enligné avec qu'au début. Donc, ce qui parle ici, c'est vous autres dans l'Église qui enseignez puis que vous ne voulez plus enseigner ou vous ne suivez plus l'enseignement que nous avons donné, nous autres, les apôtres. On aimerait que vous ne faites rien de mal dans ce sens-là, que vous ne vous éloignez pas, que vous ne commencez pas à enseigner d'autres choses et que vous allez perfectionner votre compréhension de ce qu'on vous a donné et que vous allez mettre vos vies en accord avec ça. Et ça, c'est la compréhension. Mais remarquez bien que Paul, tout en demandant ça, il le demande à Dieu. C'est intéressant qu'il ne dit pas à eux, juste à eux, perfectionnez-vous. Il dit, je prie que Dieu vous perfectionne. Donc, il s'adresse à qui? À Dieu dans sa prière. Donc, il ne fait pas juste mettre un fardeau sur le croyant. Oui, il va leur dire après, perfectionnez-vous. Mais il a dit avant, je prie que Dieu vous perfectionne. Ça, c'est tellement important quand on dit à un chrétien ou à un inconverti, c'est moins évident, mais à un chrétien, si je te demande de faire telle affaire, il est important que je te dise avant que Dieu est en train de faire ça en toi. Si je te demande de te perfectionner comme ici, c'est bon que je te dise avant que Dieu va travailler dans ta vie pour que tu te perfectionnes aussi. Ça enlève le fardeau, ça enlève ce poids-là. Puis ça m'encourage à vouloir me perfectionner, sachant que Dieu est en train de me perfectionner. Puis je sais que je suis dans la même lignée que Dieu. Dieu est en train de faire ça en moi, moi je suis en train de faire ça sur mon bord. Fait qu'on travaille dans la même direction. Mais si je te dis de faire telle affaire et que je ne te dis pas que Dieu est en train de le faire en toi, tu vas pendant te sentir écrasé. Et moi, je veux m'aligner avec Dieu et non pas demander à Dieu de s'aligner avec moi. Quand moi, je demande que je veux me perfectionner, ben, je suis en train de m'aligner avec Dieu qui veut me perfectionner aussi. Parce qu'il y a des versets qui disent « Le Dieu de paix vous perfectionnera ». Donc, Dieu est en train de vouloir nous perfectionner. Mais si Dieu voudrait nous perfectionner dans le sens qu'il voudrait nous amener à une certaine perfection de sainteté ou une perfection de faire ce qu'on ne pêche plus, je dirais, Dieu a juste manqué son coup. Parce que l'Église, moi j'étais sauvé en 76, l'Église au Québec, 35 quelques années plus tard, n'est pas plus parfaite à mes yeux qu'elle l'était dans ce temps-là. Quand je regarde le péché, quand je regarde les problèmes des églises, quand je regarde les difficultés dans la vie des chrétiens, quand je regarde dans ma propre vie, quand je vois les batailles de leadership, les batailles d'église, les batailles de clochers, les divisions qui se passent dans nos églises, l'Église n'est pas plus parfaite aujourd'hui qu'elle était en 1976. Quand moi, j'étais sauvé. Puis quand je lis des vieux des livres de l'Église au Québec des années 1850, 1900, 1875, 1900, ben on n'est pas amélioré ben même après 100 ans. Il était encore pareil. Une fois, je parlais avec un vieux pasteur, puis il était dans une église depuis 30 ans passé, dans la même église. J'ai dit, à chaque année, tu prêches que les chrétiens lisent le Bible. Puis ils ne lisent pas encore. J'ai dit, ça ne s'est pas amélioré ben, en depuis 30 ans. J'ai dit, ça ne t'interpelle pas, ça ne t'interroge pas que tu dis à la même gang depuis 30 ans de lire puis elle ne lise pas encore. Oui, ben il dit, il faut bien que je leur dise. Mais il dit, il y a peut-être une autre façon de faire, il y a peut-être d'autres manières d'agir, je ne sais pas quoi. Mais comment est-ce qu'on comprend ça? Comment est-ce que tu vis ça? Tu leur dis ça, puis ils ne font pas, puis sont-tu plus chrétiens ou moins chrétiens? Sont-tu meilleurs, pas meilleurs? C'est important de s'arrêter pour réfléchir là-dessus. Pourquoi c'est comme ça? Puis là, je me dis, mais tu as certainement prié là-dessus que Dieu, avant de prêcher, hein, le gars qui prêche va toujours prier que Dieu va faire de quoi? Il va utiliser ce que tu enseignes. Seigneur, je vais enseigner telle affaire à l'Église, bénis ça, puis fait que les chrétiens l'acceptent, la vérité. Puis on prie ça pour les gens à qui on parle. Tu pries pour qu'ils lisent le Bible, puis tu t'aperçois un an plus tard, ils n'ont pas lu plus. Il dit, mais ma prière, elle n'a pas été exaucée, vraiment. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part, dans ma tête, dans moi, en tout cas. Et donc, peut-être que ma prière n'est pas tout à fait dans la même direction. Puis là, savez-vous qu'est-ce qui arrive quand je fais ça? C'est que là, c'est pas vraiment François que je regarde de travers, c'est Dieu. Je me dis, mais pourquoi Dieu ne répond pas? Je n'ai pas demandé à Dieu une Cadillac, là. Je n'ai pas demandé que tous les chrétiens devaient être millionnaires. J'ai demandé à Dieu que les chrétiens lisent plus la Bible. Il me semble que c'est une bonne requête, ça. Il me semble que c'est bon comme requête. Il me semble que c'est valable dans ma tête à moi. Il me semble qu'il ne peut pas avoir mieux que ça quasiment comme requête. Mais ils ne font pas plus. Est-ce que Dieu ne répond pas à ma prière? Pourquoi? C'est une bonne interrogation. Des fois, il faut s'arrêter et dire, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ah, parce que les chrétiens sont méchants. Ben oui, mais Dieu n'est-il pas plus fort que les chrétiens? Si je le prie, lui, c'est parce que je sais bien que je ne dis pas à Patek, seul, fallait. Je sais que je n'ai pas confiance en lui. Donc, je prie que Dieu va intervenir dans la vie de Patrick, parce que Patrick, seul, n'est pas capable. C'est pour ça que je prie. Si je pouvais, si je croyais qu'on est capable de le faire par nos propres forces, on ne prierait pas. Mais on prie parce qu'on sait qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Mais si Patrick est capable de bloquer Dieu, que ça me donne? Ça ne marche plus, là. Il faut que je croie que Dieu est plus fort que Patrick, qu'il peut amener Patrick à se convertir. Comme quand je... À se convertir ou aller, ou peu importe. Mais quand je prie pour un inconverti, là, quand je prie pour un gars qui est mort spirituellement, complètement mort, aveugle, soit les muets, tout ce que vous voulez, spirituellement, c'est un enfant du diable, en tout cas, mettez-les tout ce que vous voulez. Puis que je prie, je ne peux pas dire, convertis-toi, juste ça, il faut que je dise, il n'est pas capable, je vais prier Dieu pour qu'il l'aide, pour qu'il fasse de quoi, pour qu'il se convertisse. Sans ça, il ne se convertira jamais. Donc, je crois que Dieu peut intervenir dans la vie de la personne et l'amener à se convertir. Sans ça, ça ne donne plus à rien de prier. Ça n'a absolument rien. Tout ce bien juste de dire à lui et pas prier. S'il est capable de le faire tout seul, prie. Vas-y, convertis-toi, mon ami. Mais je sais qu'il n'est pas capable. Donc, je vais prier. Et dans la vie chrétienne, c'est tout le long comme ça. Quand je dis à un chrétien de faire de quoi, puis je vais prier en conséquence, puis je dis, mais ben là, il n'est pas capable de le faire par lui-même. Il faut qu'il ait de l'aide de Dieu, donc je vais prier Dieu. Mais est-ce que ma prière n'est pas répondue? Pourquoi, d'abord? Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi si je prie, si le terme voudrait dire « Seigneur, je te prie qu'il fasse rien de mal », pourquoi est-ce que ça arrive jamais? Pourquoi ça arrive jamais? Pourquoi ça arrive jamais? Pourquoi est-ce qu'ils font du mal tous les jours pareil? Est-ce que ma prière ne sert à rien? Mais je crois ici que l'apôtre Paul s'adresse à celui qui peut amener le chrétien ou ces chrétiens-là dans la bonne direction. On n'a pas de troisième épître aux Corinthiens pour savoir ce qui s'est passé. On n'en a pas. On aimerait bien, mais moi, mais on ne l'a pas. Mais Paul sait que les chrétiens ne peuvent pas se perfectionner dans le sens qu'on a vu sans l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu. Donc, il prie, Dieu, perfectionne-les, puis il dit aux chrétiens en même temps, un peu après, perfectionnez-vous. Fait que là, il dit, ça va aller dans la même direction, cette affaire-là. Mais comment ça va se faire dans la réalité? Comment est-ce qu'on peut remettre, comme on dit des fois, des pattes à nos prières? Comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça? Si moi, je dois me perfectionner, puis que je dois prier pour mon perfectionnement, parce que si Paul a prié pour moi, je peux certainement prier pour moi-même. Hein? Je peux certainement prier, Seigneur, aide-moi à me perfectionner. Ça veut dire quoi? Puis comment ça va se faire? Puis comment est-ce que je vais vivre ça jour après jour, semaine après semaine, année à année, pendant 30 ans, 40 ans de vie chrétienne? Comment je peux bien dire tous les matins, Seigneur, perfectionne-moi. Au bout de 30 ans, Seigneur, perfectionne-moi. Je suis encore là, Seigneur. Comment est-ce que je vais arriver pour que ce soit un peu logique, puis un peu que ça fasse du sens dans ma vie? Puis comment est-ce que je vais voir si, oui, il y a du perfectionnement qui avance? Oui, oui, oui, ça avance. Oui, oui, Dieu répond à ma prière. Moi, je peux vous dire que je prie ça régulièrement. Dieu, perfectionne-moi dans le sens, aide-moi à être toujours plus en ligne avec ta pensée, ta compréhension, ton plan, tes vérités que tu as enseignées par les apôtres. Je veux être en ligne avec toi. On va dire sur le même diapason, la même longueur d'onde, toutes nos expressions québécoises qui veulent nous dire la même chose. Je peux vous dire que je crois que oui, que Dieu a répondu à ma prière, que je suis plus en ligne aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Moi, je dirais, une des façons de faire, c'est, donc, si je veux me perfectionner dans le sens que Paul dit ici, il faut qu'eux fassent quoi, là? La gang à qui est écrit, là? Cette petite gang-là, là, qui est dans le milieu de l'Église, il faut qu'ils se repentent, puis il faut qu'ils fassent quoi? Comment est-ce qu'ils vont savoir s'ils se repentent, puis que c'est efficace? Ils vont s'enligner avec Paul. C'est Paul qui les met en question. C'est Paul la source de l'information. Il n'a pas de Nouveau Testament encore écrit. C'est Paul qui écrit la première épître aux Corinthiens. C'est Paul qui nous enseigne l'Évangile. Puis ils veulent pas le suivre. Donc là, il y a un problème. Tant qu'ils ne s'alignent pas avec Paul, il y a un problème. Donc ils vont savoir qu'ils s'alignent avec Paul quand qu'ils sont en train de se perfectionner, si le sens qu'on a donné est bon. Bien, c'est parce qu'ils s'alignent avec Paul. Ils vont accepter Paul comme étant l'autorité que Dieu lui a donnée en tant qu'apôtre, ce rôle-là d'emmener l'information, que lui est inspiré, puis qu'eux autres, ils ne le sont pas, quand lui écrit cette information-là. Donc, automatiquement, moi, quand je prie pour mon perfectionnement, je prie pour la même chose. Je prie pour connaître ce que Paul a dit. Pierre, Jean, Matthieu, Jacques, je m'enligne avec ce qui a été dit dans les Écritures. C'est là que je vais savoir si je me perfectionne. Mais si je m'expose pas à la vérité, si soit je la lis, soit je l'écoute, soit que je lis un livre par rapport à d'autres choses, mais je ne pourrais pas me perfectionner si je ne m'expose pas à la vérité de Paul dans le texte. Si je n'accepte pas Paul comme étant l'autorité dans le texte ici. Moi, je suis obligé de prendre l'autorité, c'est plus que Paul, là, j'ai toute la Bible. J'ai Matthieu, Jean-Jacques, toute la gang. Donc, si je rejette l'autorité de la Bible, ou je rejette certains passages, ou que je ne veux pas me soumettre à certains enseignements, je suis en train de... Je pourrais prier, ben, je prie pour ton perfectionnement, là. Je prie pour ton rétablissement, là. Je prie pour que tu t'enlignes avec les Écritures, là. Je prie pour que tu acceptes que ce qui est enseigné ici, tu l'acceptes comme étant la vérité, et que c'est ça que Dieu veut pour ta vie. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand on prie ça, moi, j'ai dit, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, des prières quotidiennes, moi j'irais dans cette direction-là, prions pour ceux qui nous instruisent, prions quand nous, on étudie nous-mêmes, si on le fait, les Écritures, que Dieu nous donne de comprendre les Écritures. Si on doit prier, nous qui enseignons, d'emmener le peuple de Dieu dans la direction des Écritures, qu'on leur présente les Écritures, pas nos idées ou nos pensées, puis on les encourage à se soumettre aux Écritures. C'est tout dans la même direction, ça, de prier pour notre perfectionnement, là. Parce que le perfectionnement va venir à travers l'Église. Là, c'est à Paul. C'est à Paul. Donc, aujourd'hui, c'est à travers l'Église, parce que c'est à travers l'Église que les chrétiens viennent en connaissance des Écritures. C'est comme ça. Moi, je suis venu en connaissance des Écritures à travers l'Église. J'ai pas le choix. C'est comme ça. C'est un chrétien qui m'a parlé de l'Évangile. Fait que je suis venu en connaissance des Écritures ou de la vérité à travers un chrétien. Et après, ça fait 37 ans que je suis chrétien, et ça fait 37 ans que j'écoute des chrétiens me parler des Écritures. Puis moi, j'en parle à d'autres chrétiens. Puis ça, la roue continue comme ça. Mais je ne peux pas me perfectionner sans m'exposer d'une façon quelconque aux Écritures. Et là, va jouer notre personnalité, bien entendu. Comment je vais le faire, mon éducation, ma formation académique, l'âge que j'ai. Tout à l'heure, je parlais avec Marcel, comment la différence qu'il y a aujourd'hui avec nous autres, avec la technologie qu'on a, que les Alfred Cuen, on parlait d'Alfred Cuen parce qu'il y avait un livre, il disait, Alfred Cuen, j'ai juste un livre de lui, j'ai rien d'autre. Si je ne prends pas le livre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Mais si je lis son livre, ben, je m'expose à la vérité, je m'expose à ce qui vient des Écritures, puis ça va m'aider à mon perfectionnement, ça va m'aider à m'enligner. Et moi, je vous le répète, j'ai une foi ferme que la vérité a de la puissance en elle-même. Quand j'entends la vérité et que je m'expose à la vérité, ça va nous affecter d'un bord ou de l'autre, ça va faire de quoi? Je ne peux pas m'exposer à la vérité et dire « ça ne fera rien ». C'est comme je dirais m'exposer au soleil et dire « je ne brûlerai pas, je ne grillerai pas, non, ça ne fera rien ». Non, non, non. Si tu t'exposes au soleil, si tu restes là trop longtemps, tu vas finir par routir comme un canard. Ou voilà comme un poulet. Ou un petit cochon. Ou un homard, peu importe ce qu'on veut dire. Mais en m'exposant à la vérité, je suis en train de dire à Dieu, change-moi, transforme-moi, renouvelle mon intelligence, enlève la folie de mon cœur. C'est tout ça que ça veut dire. Parce que je m'expose. Je suis en train, c'est un acte d'humilité, c'est un acte de Seigneur, je veux que la lumière me montre qu'est-ce qui ne marche pas en moi, puis change ça. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Ça renforcit notre foi. Ben oui, ben oui. À mesure qu'on découvre des vérités, mais c'est de plus en plus. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Plus la vérité, je m'expose à la vérité, plus elle va faire sortir le mensonge. C'est un équivalent. J'ai déjà dit, il me semble que dans ma Bible, j'ai dessiné, je ne suis pas très fort sur le dessin, mais j'ai dessiné une tête. Mais c'est un rond. Je n'ai pas fait de grands détails. Un rond. Et j'ai coupé la calotte. Puis j'ai ouvert la calotte comme ça. C'est comme une tête qui est ouverte. D'un bord, j'ai mis le mot vérité avec une flèche qui rentre dans la caboche. Puis l'autre bord, j'ai fait une flèche qui sortait. Mensonge. Il n'y a pas de mensonge qui peut sortir si ce n'est pas une vérité qui rentre. Mais si la vérité elle rentre, et que je suis un croyant, et que le Saint-Esprit est là, le mensonge va sortir. C'est impossible que ça ne sorte pas. C'est impossible. Si la vérité rentre, le mensonge va sortir. C'est pour ça que quand la vérité du salut est rentrée, le mensonge est sorti, puis on a été sauvés, finalement. Mais moi, je crois que la vie chrétienne, ça se vit comme ça, tout le temps. C'est pas juste le salut qui est comme ça. C'est toute la vie chrétienne comme ça. Expose-toi à la vérité, écoute-la, jour après jour, semaine après semaine, écoute-la. Peu importe, lis-la, écoute-la, chante-la, fais ce que tu voudras, mais expose-toi à la vérité. Et c'est sûr que le mensonge va sortir. C'est infaillible. C'est infaillible. Il faut faire une grande différence que c'est pas à cause que j'arrête de faire certaines choses que la vérité est rentrée. Ça peut être juste par la force de la volonté. Puis il y a bien des choses que les chrétiens arrêtent de faire ou commencent à faire que tous les jeunes de toutes les religions font aussi. Les témoins de Jéhovah ont changé leur vie extérieurement parlant autant et peut-être plus que bien des baptistes, bien des chrétiens. Il y a des mormons qui changent leur vie bien plus. Moi, j'ai vu un homme que j'ai connu personnellement qui s'est converti au catholicisme. Sa vie a changé autant que tout n'importe quel baptiste. Lire la Bible, prier, aller à l'église, mon gars, faire de l'argent, donner de l'argent, dire aux œuvres missionnaires. Sa vie a changé du jour au lendemain. La vérité était-elle rentrée? Non. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il faut faire attention que nous, il ne faut pas penser à cause qu'on a changé un comportement que la vérité est rentrée. Si tu ne t'es pas exposé à la vérité, ton changement est juste charnel ou humain. Mais si c'est la vérité qui est rentrée, puis que le mensonge est sorti, le comportement va changer. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va arrêter de faire des péchés et qu'on va devenir parfait. Sans ça, on sera obligé de dire qu'il n'y a pas grand vérité qui est rentrée parce qu'on est encore toute une gang de pécheurs. Mais mon attitude face au péché va changer. Et mon adoration et ma louange vont changer par rapport à j'étais. Je suis sauvé et racheté et fils de Dieu malgré ces péchés-là qui sont encore en moi. Et mon espérance va être grandissante et de plus en plus ferme parce que mes péchés ne m'amènent plus le doute, ne m'amènent plus la culpabilité parce que je sais que je suis pardonné en Jésus-Christ. Ça ne va pas changer ma chair, mais ça va changer mon attitude, ma façon de voir, ma louange, mon adoration par rapport à Dieu. Parce que le mensonge est sorti à cause qu'il y a une vérité qui est rentrée. Donc, quand ils prient, Seigneur, perfectionne-les, c'est ça qu'il est en train de parler, c'est ça qu'il voit, lui. Puisqu'il s'adresse à ce genre, ce groupe d'hommes-là que dans l'Église, qui ébranle l'Église, qui trouble l'Église, qui est en train de changer les vérités dans l'Église. Il y avait ces gens-là qui avaient dit dans 1 Corinthiens 15, la résurrection, pour moi, ça n'existe pas. Paul dit, si vous ne croyez pas à la résurrection, vous êtes mort dans vos péchés. Si vous ne croyez pas à ça, vous êtes mort dans vos péchés. Donc, là, il est en train de dire, mais j'aimerais bien, il dit, que vous allez vous réaligner avec cette histoire-là. Là. La résurrection, c'est vrai. C'est l'arrivée. C'est la preuve qu'on est sauvé. C'est la preuve que Dieu a accepté le sacré. En tout cas, peu importe. Donc, il dit, j'espère que vous allez vous réaligner avec ce que nous, on a dit. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Donc, ça, ça ne peut pas se faire sans qu'eux acceptent l'autorité de Paul comme étant un apôtre de Jésus-Christ, et que d'étudier ce que Paul a dit et de s'aligner avec. Et donc, c'est la même chose. Il dit, exposez-vous à la vérité. Mais nous savons, ici, ce n'est pas marqué comme ça, mais nous savons, quand on lit la Bible dans le Nouveau Testament, dans l'ensemble, qu'on est parfait. Donc, comment, pourquoi, si on est parfait, qui demande la perfection? Puis qui demande de nous travailler à la perfection si déjà on est parfait. Parce que la Bible dit bien, nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Puis si vous lisez 1 Corinthiens, si vous lisez 2 Corinthiens, vous allez voir qu'il dit aussi encore. Donc, je suis parfait, mais je prie pour ton perfectionnement et je t'encourage à travailler à ton perfectionnement. Donc, comment je m'en fous, là? Comment que je peux comprendre ça si je suis parfait? Donc, il s'est passé quelque chose en nous. Pour nous rendre parfaits. En tout cas, la Bible dit qu'on est parfait à plusieurs reprises, à plusieurs places. Puis, pas juste Paul, il y a plusieurs écrivains qui le disent. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut que je comprenne ça pour comprendre qu'est-ce que je demande quand je demande d'être perfectionné, puis que je travaille à mon perfectionnement. Mais en même temps, tu m'as dit avant que j'étais parfait. Donc, explique-moi ça, là. Aide-moi à comprendre pour que je puisse pas être tout à travers là, quand tu as fini. Parce que quand vous lisez, vous autres, vos Bibles, que vous voyez le mot « nous sommes parfaits, nous a rendu la perfection une fois pour toutes » dans Hébreu, en tout cas, « nous qui sommes parfaits en Christ » dans Colossiens, je pense qu'il dit ça aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens, en tout cas dans la Bible quelque part. Donc, il est en train de leur dire « nous sommes parfaits » à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Donc, je peux dire, comme Paul, nous qui sommes parfaits ici, notre gang, là, on est sept, nous qui sommes parfaits, je prie pour votre perfectionnement. Hop! C'est plus. Ah! C'est quoi ça? C'est plus l'harmonie avec les uns et les autres. Quand on regarde ça. Mon pas ce monde-là. Quand on va être auprès du Seigneur, on est parfait. On est parfait ici-bas. En lui. Oui. Parce que c'est lui qui fait de l'erreur. Mais. Quand je regarde ça, c'est plus l'harmonie avec les uns et les autres, tout en plus qu'on sait faire ou non faire, ou peu importe. Pas tout à fait de même que je le verrais personnellement. Si je suis parfait à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi, et que moi je prie pour ton perfectionnement dans le sens. C'est pour ça qu'il dit examinez-vous si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi, si vous êtes parfait en Jésus-Christ, priez pour votre perfectionnement. Enlignez-vous avec votre perfection que vous avez déjà avec Jésus-Christ. Comprenez-vous là, ce que je tentais de vous dire? Comprenez ce que vous êtes. Comprenez ce que vous êtes. Comprenez ce que Dieu a fait pour vous. Comprenez bien. Vous êtes parfait, donc alignez-vous avec cette perfection-là. Vivez avec cette perfection-là. Comprenez cette perfection-là. Parce que vous êtes parfait en Jésus-Christ. Donc, maintenant, votre vie doit démontrer ça. Vos paroles doivent démontrer ça. Vous n'êtes pas des gens qui essayent d'atteindre quelque chose que vous n'avez pas. Vous êtes des gens qui essayent de comprendre ce que vous êtes. OK? Donc, c'est pour ça qu'il va dire dans Physique, on étudie la prière la dernière fois, « Je prie que vous connaissiez ce que Dieu a fait dans votre vie avant la fondation du monde. Je prie que vous compreniez l'héritage que vous attend. Je prie que vous compreniez la puissance qui est à l'œuvre dans vous parce que vous êtes parfait en Jésus-Christ. » Et là, ça fait du sens dans ma tête. Je suis parfait et je prie, je lis, j'étudie pour comprendre cette perfection-là qui m'a été donnée en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que je fais à coup que je le comprends? Bien, j'en glorifie Dieu de l'avoir fait. C'est tout ce que je peux faire. Moi, je vous l'ai déjà dit une fois, plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus que je m'aperçois, c'est que la seule chose que je peux faire, c'est de dire merci pour l'avoir qu'il l'ait faite. C'est de plus en plus... Cette semaine passée, j'étais dans un groupe avec des chrétiens, bon, je disais, c'est pour ça qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je peux arrêter et dire, Seigneur, s'il n'était pas de ta grâce, hein, qui pourrait subsister en ta présence. Hein. N'importe quelle heure du jour et de la nuit, je peux arrêter et dire ça. Pourquoi? Parce que je ne mérite jamais d'être dans sa présence par ma vie. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Jamais. Je peux le dire là, il est 11h15. À 2h15, je vais pouvoir encore dire, s'il n'était pas de ta grâce, je ne pouvais pas résister à ta présence encore une fois. Hein. C'est toujours de même. C'est continuellement de même, ça va être éternellement de même. Il n'y a pas de choses que je peux faire ou ne pas faire pour mériter la présence de Dieu. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. S'il n'était pas de ta grâce, qui pourrait subsister en ta présence? Si tu tenais compte de nos iniquités, qui pourrait subsister en ta présence? Personne. La réponse, c'est personne. Donc, il dit, vous êtes parfait. Il dit ça à une gang de tout croche, 1 Corinthien, hein? 1 Corinthien, hein? L'église de Val d'Or, humainement parlant, vous êtes bien correct par rapport à 1 Corinthien. Tu sais, quand on pense à ça, tu dis, bon, on est pas si pire que ça, nous autres, mais on se traîne pas en cours, je couche pas avec ma belle-mère encore, donc, me semble, on n'est pas si mal. Mais, cette église-là, à qui Paul les voit comme ça, il leur dit, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit, il leur dit la vérité, ce qu'ils sont, parfaits, en Christ. J'aimerais bien vous enligner votre vie maintenant d'église et de croyant avec ce que vous êtes. Si vous n'alignez pas votre vie chrétienne avec ce que vous êtes, éprouvez-vous donc moi, si vous êtes dans la foi. C'est ce que tu es en train de dire. Éprouvez-vous donc moi, si vous êtes dans la foi. Si vous n'êtes pas capable d'aligner votre vie avec ce que vous êtes, peut-être que vous êtes désapprouvé. Peut-être que vous êtes réprouvé. Peut-être que vous êtes réprouvé. Et c'est donc important pour que nous, chrétiens, on comprenne c'est quoi notre vie chrétienne pour savoir si on est dans la foi. Parce que des fois, ma compréhension de ma vie chrétienne, si elle n'est pas correcte, ça va m'amener à me poser un paquet de questions. Ça va m'amener à me poser des questions par rapport à vous si je ne comprends pas bien la vie chrétienne. Un chrétien, ça ne fait pas ça. Ouais, t'es-tu sûr? Comme ça, si je fais ça, je ne suis pas chrétien. Un chrétien, ça ne fait pas ça. Ouais, comme ça, si je le fais, je ne suis pas chrétien. Bon, je suis chrétien ou pas? Mais un chrétien, est-ce que ça prouve que je suis chrétien ou pas chrétien? Est-ce que ce que je fais là, bien ou mal, là, ça pourrait être quelque chose de bien? Je donne tout mon argent aux pauvres. Ah, il est vraiment un chrétien. Ça prouve-tu que je suis chrétien? Pas sûr. Si c'est ça, Sœur Teresa le serait. Gandhi le serait. Si c'est ça, la preuve, non. Ah, mais il a fait des péchés épouvantables. Non, il n'est pas chrétien. Si c'est ça, Je pose la question sur bien du monde. Le chrétien, c'est pas ça. C'est pas ça, un chrétien. Le chrétien, c'est autre chose que ça. Parce que sans ça, je suis pas chrétien. C'est ça, je suis pas chrétien. J'ai pas tout donné mon argent aux pauvres, puis je fais des péchés. Je suis pas chrétien. Si c'est ça. Le chrétien, c'est pas ça. C'est autre chose que ça. C'est celui qui est parfait en Jésus-Christ. Puis la vie qu'il vit, la façon qu'il parle, la façon qu'il regarde les gens à l'extérieur, démontre qu'il est parfait en Jésus-Christ. Je parlais une fois avec un homme, croyant, il était dans nos églises depuis des années, il était baptisé, tout, on aurait dit qu'il était croyant. Puis tout le monde aurait dit qu'il est croyant. Tu sais, à le voir, là, comme ça, on était croyant. Puis moi, un jour, j'étais assis avec lui, puis... S'il y avait une mauvaise habitude, ce gars-là, moi je l'appelle ça un péché dans sa vie, qui était récurrent, qui revenait tout le temps. J'ai dit, écoute frère, de la façon que tu parles du monde inconverti, ça m'amène à me poser la question, ouais, si t'es sauvé ou pas. Ah, il était choqué. J'ai dit, tu parles comme s'ils sont des gros mauvais, qui sont bien méchants, puis que toi tu ne l'es pas. Ça ne va pas en ligne avec ce que je comprends de la vie chrétienne. Tu devrais avoir de la compassion pourtant, ces gens-là. Tu faisais partie de leur gang avant. Tu étais dans le même camp qu'eux autres avant. Tu criais avec eux autres, tu gueulais avec eux autres. Tu faisais la même chose qu'eux autres. Toi, tu devrais avoir de la compassion. Puis ces gens-là, dans la miséricorde, je les comprends donc. Je les comprends donc. J'étais comme eux autres. Je les comprends donc. L'autre jour, je parlais avec Denise, d'une personne. J'ai dit, Denise, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre, elle n'a rien d'autre. C'est tout ce qu'elle a dans la vie. Elle n'est pas croyante. Elle ne connaît pas Dieu. Elle ne connaît pas la vérité. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Elle n'est pas capable de rien faire d'autre que faire ça. Tu ne te souviens pas? On était là. On était dans la même gang qu'eux autres avant. On était pareil comme eux autres. Donc, j'ai dit, si je suis parfait en Jésus-Christ et que je suis en ligne avec cette perfection-là qui vient de Christ, je devrais avoir dans ma vie de la compassion pour ceux qui ne sont pas. J'étais là avec eux autres. Avec. C'est pour ça que la Bible dit « Le jugement sera sans miséricorde pour ceux qui n'exercent pas la miséricorde. » C'est ça que ça veut dire. Si je ne suis pas capable d'avoir de la miséricorde pour le monde dans lequel je vis, qui sont perdus, puis je les comprends, j'étais avec eux autres perdus. C'est pareil comme eux autres. Donc, je les comprends dans ce qu'ils vivent. Je ne peux pas être scandalisé dans ce sens-là. Je ne sais pas que le péché ne m'attresse pas. Mais je comprends donc, j'étais avec eux autres. Soit j'étais un ivrogne avec eux autres, soit j'étais un pédophile avec eux autres, soit j'étais un gay avec eux autres, soit j'étais un menteur avec eux autres, j'étais un voleur avec eux autres. J'étais dans la même gang qu'eux autres, je faisais le même péché qu'eux autres. S'il n'avait pas été donné, que la perfection me soit donnée par Jésus-Christ, je serais encore là. Puis même en tant que chrétien, j'ai encore un paquet de problèmes qu'ils ont encore. Donc, j'ai dit à ce chrétien-là, il me semble que la façon que tu parles de ces gens-là, ça m'interpelle parce que j'ai l'impression que toi, tu ne te vois pas comme eux autres. Ouais, là, on n'est pas si méchant que ça. Puis là, tu sais, là, tout l'argument commence. Ouais, moi, je ne fais plus ça. Tu ne fais plus certaines choses. Mais j'ai dit, t'es-tu parfait, toi, là? T'es-tu parfait? Tu fais jamais d'orgueil, toi? T'as jamais d'orgueil? Oh, ouais. Ça n'arrive pas d'être injuste des fois. Ouais. Tu parles pas mal des autres, toi, là? ouais. Bon. Ouais, mais c'est vrai. Ben, la Bible, c'est ça de la calomnie. C'est vrai. La calomnie, c'est de dire ce que les autres ont fait qui est vrai. Mais tu n'as pas besoin de le répéter. La médisance, c'est pas vrai. La calomnie, c'est vrai. Ouais. Ouais, il dit finalement, ils n'ont pas meilleur bain. Ben non. Mais à cause que tu étais sauvé et que tu es devenu parfait en Jésus-Christ, ta vie démontre ça maintenant. Fait qu'il n'était pas croyant finalement. Finalement, il a dit, t'as bien raison, je vais arrêter ça. Là, son attitude me disait, ouais, OK, il y a de l'espoir. Là, tu réagis comme un croyant, quelqu'un lui dit, ça ne veut pas dire qu'il a arrêté, là. C'est-à-dire qu'il a changé son attitude face à cette action-là dans sa vie. Puis s'il change son attitude face à ça, puis que la vérité rentre, le mensonge va sortir tranquillement. Parce qu'il va voir que, oui, il est comme ça, là, mais moi, je suis là-dedans aussi, puis ça va modérer. Puis moi, je vous dis, j'ai commencé une secousse dans ma vie, par la grâce de Dieu. À chaque fois que je voulais pour reprendre quelqu'un sur un péché, je m'arrêtais et disais, François, le fais-tu aussi ce péché-là dans ta vie? Ma réponse était toujours oui. Là, je changeais mon attitude tout de suite face à la personne. Ouais, si je le fais, vas-y doucement, tu sais, non? Vas-y avec compréhension, avec compassion, vas-y avec une humilité que tu reprends, mais toi aussi, tu le vis. Ah, peut-être pas de la même façon, mais c'est de l'orgueil. Moi, c'est mon bord, puis ça, c'est de l'orgueil. C'est tous les deux, on est tous les deux des orgueilleux. Je peux pas, il faut que je fasse attention. Comment je vais reprendre l'orgueilleux si moi, je suis encore orgueilleux? Comment je vais reprendre celui qui parle en mal de quelqu'un? Puis cet homme-là pouvait se virer vers moi et dire, François, je t'entends parler aussi en mal des autres des fois, toi. T'as bien raison. Puis je me sens coupable. Puis je ne devrais pas le faire. Ça, c'est l'attitude de celui qui est en Jésus-Christ. Il n'est pas parfait. Mais devant son péché, il va le reconnaître. Il va le confesser. Il va être humilié. Il va être triste de ça. Donc, quand Paul nous dit, perfectionnez-vous, alignez votre tête avec ce que vous êtes, avec l'Évangile. Alignez, renouvelez votre intelligence. Quelqu'un m'a demandé la semaine passée, la sanctification dans la vie chrétienne, donne-moi un synonyme à ça. Donne-moi une expression pour que je comprenne ça veut dire quoi. J'ai dit renouvellement de l'intelligence. Elle s'attendait que je te pas dire sainteté ou abstention de péché. Après ça, j'ai dit non, renouvellement de ton intelligence. C'est que tu vas comprendre mieux Dieu, tu vas comprendre mieux qui tu es, tu vas comprendre mieux tes frères et sœurs. Je ne peux pas m'attendre ça de mes frères et sœurs, je ne le fais même pas moi-même. Je ne fais même pas moi-même. Je ne peux pas m'attendre ça. Et si moi, je fais quelque chose que je ne veux pas que mon frère fait, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi? Est-ce que tu es orgueilleux de ça? Donc, tu n'as pas d'affaire à te penser meilleur que l'autre, c'est quelque chose que Dieu t'a donné par pure grâce. Donc, voyez-vous que le fait que je comprends qui je suis, ça m'enligne dans ma compréhension des autres et de mon comportement avec les autres. L'effort du croyant, il met, je crois, en tout cas, je l'ai fait, moi, longtemps, on met trop d'énergie à vouloir ne pas faire ou faire. Si on investirait cette énergie-là à savoir qui je suis, et qu'est-ce que Dieu est et qu'est-ce qu'il a fait, ça produirait plus de fruits à la gloire de Dieu. Parce que si vous dépensez beaucoup d'énergie à ne pas faire, vous allez être brûlé avec le temps, parce que vous allez vous apercevoir que vous n'arrivez pas à moins le faire vraiment. C'est très subtil le péché dans la vie du croyant ou dans la vie de l'être humain. Il fait juste changer de forme et on pense qu'il est parti. On va peut-être être capable de juger aussi. Ben oui. Moi, je le fais. Moi, je ne le fais plus, ou je le fais, on juge automatiquement. Mais il faut juste changer de forme. J'étais orgueilleux de mon physique quand j'avais 18 ans. Maintenant, je suis orgueilleux de ma Mustang. Mais c'est toujours le même orgueil. Là. Ça ne change pas. Je ne dis pas que je suis orgueilleux de ma Mustang, c'est un exemple que je donne. Vous comprenez bien ça, la vidéo. C'est juste un exemple. Je suis plus orgueilleux, là. Oh! Voyez-vous, c'est que l'orgueil fait juste changer de forme, de s'exprimer, puis on pense qu'on ne l'a plus pendant un temps. C'est pourtant encore là. Ah! Moi, je ne vole pas le chronomètre de corps. Tout, je suis honnête. On fouille, on finit par trouver autre chose. Ah ouais, bon, OK, je suis encore pas tout le temps juste. Ouais, OK, je suis encore injuste dans cette forme. Moi, je dis toujours la vérité, je suis honnête, toujours la vérité, tu n'exagères pas. Voler une scène, voler un million, c'est le même vol, tu es un voleur. Plus de conséquences humaines si tu te fais attraper. Mais devant Dieu, tu es un voleur. On ne vole jamais une scène noire. Pas sûr qu'il y a des chrétiens qui font ça. T'es dit qu'on est sur les bords, puis c'est pas facile. Qui n'utilise pas sa bouche avec toujours honnête, toujours franc 100%? Non. Jamais. Personne l'est. Donc on est tous encore des menteurs. Ah, moi je mens pas, c'est la même chose que toi. Ben non, toi tu mens pour ton âge. Moi je mens pas pour mon âge, ça me dérange pas. mais je mens pour autre chose. Je mens pour d'autres ci, je mens pour autre ça, je mens pour ça. On est comme ça. La jalousie, de l'envie, de la convoitise. Je me souviens une fois, j'étais à la Sambre. Puis un mercredi soir, on était en réunion prière, puis j'ai dit, frères et sœurs, j'aimerais ça que vous priez pour moi, parce que je passe dans une période de convoitise épouvantable. Je convoite ce que je n'ai pas. Les chrétiens me regardent, ils disent, non, François, on ne parle pas de ça, là. Si toi, t'es de la convoitise, t'es le pasteur, c'est que nous autres, on va arriver, là. Nous autres, on va faire quoi, là, tu sais, là? Ben, ils disent, vous êtes comme moi, vous convoitez aussi. Mais il me semble, dans ma vie, c'est plus fort, c'est ainsi, que c'était, là, un an, là, deux ans. Il était tout mal à l'aise parce que j'avais dit ça. Mais je ne convoitais pas la même chose que peut-être le 30 ans avant. Mais à cause que j'étais insatisfait, mais ça révélait mon état d'âme face à Dieu, je n'étais pas satisfait de ce que Dieu m'emmenait, ce que Dieu m'emmenait dans ma vie. Et là, je convoitais autre chose. Je connais des pasteurs qui convoitent une grosse église. C'est de la convoitise. C'est-tu pire ou moins pire que de convoiter un gros char? Ben non, c'est de la convoitise. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention. Donc, en lignant notre vie, notre perfectionnement, avec le fait qu'on est parfait. Et juste, c'est pour ça que Paul disait, je veux que vous compreniez votre héritage, je veux que vous compreniez la puissance qu'il y a en vous, je veux que vous compreniez comment le Saint-Esprit travaille, je veux que vous compreniez ça, parce que ce que vous êtes, si vous comprenez ça, vous allez amener de la louange à Dieu plus d'abord, la gloire à Dieu plus. Et ça va aligner votre vie chrétienne avec vos relations avec les frères, les sœurs, ça va aligner ça. Ça aussi en même temps. OK, nous allons prier. Notre Père du ciel, merci que tu nous as rendus parfaits en Jésus-Christ. Nous pouvons proclamer haut et fort. Et c'est un acte d'humilité de dire nous sommes parfaits en Jésus. En Jésus. Tu es notre Père, la Bible nous dit que toi, tu es parfait. Tes enfants sont parfaits en Jésus. Le monde dans lequel nous allons vivre, un jour, va être parfait. Et tu nous dis aujourd'hui, perfectionnez-vous. Tu nous encourages à prier les uns pour les autres pour notre perfectionnement. Seigneur, fais que nos vies, nos paroles, nos pensées reflètent de plus en plus qui tu es, qui nous sommes. Quelle est l'œuvre de Jésus-Christ? Quelle est l'œuvre de l'Église aujourd'hui dans ce monde? Donne-nous de vivre, Seigneur, uniquement par ta gloire et pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.